estreia nos cinemas esta quinta-feira. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola la familia, bonjour, bon réveil, bon jeudi à tous, on est le 7 octobre aujourd'hui, on espère que vous avez passé une agréable nuit. Le soleil va faire son apparition aujourd'hui avec pas mal de nuages, mais le reste du temps va rester plutôt pas mal. Et je peux vous le dire, ça fait du bien parce que demain, pas de nuages, que du soleil. Et aujourd'hui, les températures 8 degrés au lever du jour, jusqu'à 18 sur Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Bray, La Ferté-Saint-Aubin, et ça fait plaisir. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h05, ça fait plaisir de vous retrouver puis de danser la salsa caliente ce matin sur la radio couleur. On redémarre avec vous jusqu'à 18 degrés. Ça fait du bien au moral. Coucou à Edouard qui est connecté du côté d'Olivet. Salut à Jean-Pierre aussi. Orléans Centre. Merci Francky pour cette belle journée qui démarre fort avec le soleil. Et le soleil, Philippe, c'est son vrai prénom. Lucenzo, c'est long de scène. Philippe, c'est son vrai prénom. Voici Dame un beso sur la radio couleur. Bon réveil. Un beso, donnez-moi un bisou ce matin. Plein de bisous pour le Ribeiro qui est là. Salut mon Polo, justement. Si vous cherchez un bon plombier, un bon chauvagiste, et bien vous m'appelez à la radio 02 38 43 48 00. Et puis je vous donnerai toutes ces coordonnées. On est en direct à la radio aujourd'hui, 7h08. Heureux d'être là. Francky dans la radio, l'horoscope qui arrive dans moins de 15 minutes. Et puis Johnny, enfin, c'est pas Johnny Hallyday, c'est Johnny de Portugal. Belle journée, bon réveil. Ter o teu amor e o que sinto por ti, nada podia ser melhor. Hoje quero te dizer que és tudo para mim, serás até morrer o avô que eu sempre quis. É o teu fado que canto para ti, é do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, e é neste fado que eu quero que tu saibas. Neto mais feliz, eu acordo e agradeço por ainda estares aqui, e eu nunca me esqueço do que fizeste por mim. Eu sei que a tua ferida nunca mais te. criança e que a vozinha olhará sempre por ti. É o teu fado que canto para ti. É do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não. Mais fado. Je chante bien le matin, bah, sous la douche moi, comme Olivier et comme Joël d'ailleurs sous la douche. Ça c'est le carton, je peux vous le dire, qui arrive dans les clubs et ça va faire mal ce week-end. D'ailleurs tous les clubs sont réouverts, allez-y les voir. Allez-y les voir, moyen de me parler à la France ce matin. Purple Disco Machine avec Dopamine. Ciel, lumière du son de Pemin, et ça on adore sur la radio couleur avec Purple Disco, Disco Machine. Eh, franchement, procurez-vous l'album de toute urgence parce qu'il déchire. Je peux vous dire, je l'ai écouté. Il y a que des reprises à l'intérieur, que du bon son disco. Les clips sont vintage, sont plutôt sympatoches. Et c'est un super, super DJ Nicky Jam qui arrive. Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme.

j'ai pas de cœur, ouais, mais je prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas homme des soupes, mais homme des sous. Je fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. J'suis en dessous, j'suis dans le zoo. Mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Sur 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're picked from my space. I've just looked in my dream that said, look for your face. You've changed with luck, should've made you leave me. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. You're not welcome. ça me rappelle 98. Ah ouais, on était jeunes. Champion du monde, hein. Bah ouais, face au Brésil. Quelle équipe de France, hein. Salut à tous, c'est nous d'arriver, c'est Francky dans la radio. Je suis content de vous retrouver ce matin. Le soleil est au rendez-vous, 8 à 18 degrés, avec quelques nuages, mais des rayos del sol. Allez, Camélia Cabello qui arrive sur la radio couleur. Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like a sound. He go, hey, bring it on me. Hey, try to crave it on me, get the beat on me. On me. She waited on me, hey, well, try to cake it on me, got the bacon on me. Been down. This is history and I'm making on me. On me. Point blank, close range, that's me. If it was a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby. J'adore la radio, Camélia Cabello en direct. Salut Françoise qui est là, salut Sandra, salut Alex. Vous êtes nombreux le matin de nous rejoindre et franchement ça fait zizir la famille. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Ouais, puis c'est la famille qui arrive, Kevin Kimvey. Quand je t'emmène, loin de tout ça, loin de tes problèmes, où tu oublieras, quand bien même, si l'on s'aime, on ira. Je t'emmène, loin de tout ça, loin de tes problèmes, tu oublieras. Oh, combien même, si l'on s'aime, on ira. J'en ai marre de te voir pleurer, marre de te voir souffrir. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, je veux t'offrir. Ferme les yeux, fais-moi confirmer. Je t'emmène, loin de tout ça, loin de tes problèmes. Tu oublieras, combien même, si l'on s'aime, on ira. Oh, viens, je t'emmène. Loin de tout ça, Kevin Kinvey, 7h32, vous êtes de l'autre côté de la radio sur Facebook en direct aussi. Vous êtes peut-être déjà dans la voiture direction le boulot, et bien on vous souhaite une belle journée, un bon réveil, et ça fait plaisir, le réveil en douceur et en couleur sur la radio, avec Nineli qui arrive, ram bam bam bam bam, et ça on adore. Je peux vous dire que ça va vous réveiller, ça vous met de très très bonne humeur. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, avec quelques petits nuages, mais l'oreillage de le sol. Welcome la famille, 02-38-43-48-00, c'est Nineli, ram bam. What's on your mind? I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. You were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi et je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aimais comme un fou. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi et je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction de tes yeux. Je t'aime comme un fou. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. I wanna talk about it, cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy. On me, you play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi et je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aime comme un fou. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Tu as tiré de moi que je dimanche. Je vois la satisfaction de tes yeux. Je t'aime comme un fou. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. My soul is hollow. I know what you're hiding from me. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. D.I. D.I. Baby, D.I. Tu m'as bien ciblé. Tu as tiré de moi et je dimanche. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Je t'aime comme un fou. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Tu as tiré de moi et je dimanche. Oh, j'adore. Minelli, elle est son French avec Ram Pam Pam. On va détecter vous. Salut Loulou. Loulou qui est connecté que des Saint-Jean de Bray. Ah ouais, même un Saint-Jean de Bray nous écoute. À ce mois aussi, à Fleury les Aubrais. I'm get forget you, c'est Nicky Yam. Your face, you can be warm under the covers. We make love and like no other. I regret not doing more than make you stay. So if the world is getting. empty and you feel the need to call me. Never doubt it, I'll always be right here. If I had the chance to bring you back to me, I would do it in a heartbeat. Never doubt it, I'll always be right here. Waking up without feeling you on me, holding the pillow but pretending it's your body. It's like I'm drowning on the water with my insides. This the kind of pain that makes a man cry. Holding it and keeping it cool, so I be steady on my back. I keep my mind over you, but it ain't working. I'm missing you like a drug. It's like I can't get back the air in my lungs. That's why I tell you, lady, no matter how far, wherever you are, I'm waiting for you. I don't wanna let you in. No matter how far, wherever you are, I'm waiting for you. I don't wanna let you. Much as I pretend, I can forget the day you left to the air. I breathe my life within your kiss. My breath in your lips. So how do I live? Nicky Jam, I can't get forget you. Heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio jusqu'à 9h, ça me fait vraiment zizir. Il nous a quitté le 16 avril dernier, c'était Christophe le chanteur qu'on adore sur la radio arc-en-ciel, et ce groupe qu'on adore aussi, Project, qui remixait Aline version 2020. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a bu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée. ce matin, remixé par les DJ Graphic Project. J'ai crié Aline. La météo. Et moi j'ai crié la météo ce matin, 8 degrés au lever du jour, ça caille un petit peu. Le temps est nuageux ce matin avec des éclaircies tout au long de la journée, avec aussi des nuages. Et on va monter jusqu'à 18 degrés. La bonne nouvelle c'est que demain le soleil sera bien présent sur toute la région. Olivet, Orléans, Saran, Saint-Jean-de-Bray. Des bonnes nouvelles aussi, du son qui arrive avec le titre que vous adorez sur la radar console, le remix de Jérusalem. C'est Master 4G, c'est sur la radio couleur. Une très bonne journée, un bon réveil. Coucou à Elodie qui est connectée du côté d'Orléans. Salut Francky, merci de nous mettre de bonne humeur. Bah oui, du son, Jérusalem, il va partir avec Master 4G. Belle journée, bon petit déj. Et courage à vous, c'est le week-end qui approche très très vite. On est en direct, 96.2 FM, la radio couleur. Lundi au vendredi, c'est Francky au réveil, 7h09. Jérusalem, Israelami. On adore sur la radio couleur. Il y a un an et demi déjà, Master 4G, Jérusalem. On n'a pas eu de bol parce que c'était pendant le confinement. On n'en a pas trop profité en boîte, mais ça y est, hein, maintenant les clubs sont réouverts. N'hésitez pas à aller sur le dance floor le week-end. Louyana, Wiley Lo Vela, c'est sur la radio couleur. Belle journée, bon petit déj et bonne tangentielle. Ce matin, vous qui êtes dans les bouchons comme Stéphanie, qui galère un petit peu là, mais on est là. Allez, tut-tut, un petit coup de klaxon en avance. Belle journée. 96.2 FM à la fréquence. Voilà. Sur l'arc-en-ciel avec Lou Yena, c'est en 2015. Puis je lisais un petit article là-dessus. Le clip a été tourné en Afrique avec plein d'animaux sauvages. Et d'ailleurs, elle a failli se faire bouffer par un lion. Hein. Donc, ça va. Elle s'en est bien sortie. Lou Yena et Mampi, Wailelo Velela. Heureux d'être avec vous. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est le vélo tour en Orléans. Vous allez pouvoir visiter un vélo. Enfin, pourquoi pas un musée, aller à la patinoire. Ouais, faire du vélo. Ouais, je rigole pas. Dimanche, toute la journée, 15 ou 20 km, c'est avec Orléans Métropole. Toutes les informations sur le site Orléans Métropole. Ça vous rappelle un film. Mais lequel? Vous m'appelez 02 38 43 48 00. J'aurais peut-être un petit cadeau pour vous. 02 38 43 48 00. Quel film? Et un vieux film. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Take off your dress. avec la bonne finale du film 9 semaines et demie avec Kim Basinger. Elle était pas mal à l'époque hein, dans les années 80. Bah ouais, on adore, c'est la radio couleur. Bonne réponse. 7h53 minutes, vous allez au boulot ce matin. Et bah ouais, on est là pour vous accompagner avec Imani et Don Bis. Chat et l'horoscope qui arrive dans 5 minutes. Et puis on aura aussi notre ami qui est là. Bah oui, Fabien Dumas. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Allez, ça passe tellement vite, il y a déjà 4 ans. Imani avec Don't Be So Shy. Radio Arc-en-Ciel, 7h55, c'est l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. Et maintenant, l'horoscope, et on démarre tout de suite avec les béliers. La patience et la diplomatie seront vos meilleurs alliés face aux petites tracasseries familiales. Les taureaux, vous risquez de vous sentir en léger décalage avec votre partenaire. Ce ne sera qu'une impression passagère. Les gémeaux, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Bon, ça va s'engueuler, les gémeaux. Les cancers, vous montrez peu d'éclin aujourd'hui aux engagements à long terme. Votre vie affective pourrait être un peu déstabilisée. Les lions, vous vous sentirez prêt à charmer de cap. Attention à ne pas vous égarer sur le mauvais chemin. Les vierges, votre vie privée n'est pas de tout repos aujourd'hui. Peut-être en fait vous trop en ce moment. Alors ménagez-vous. Les balances, votre joie de vivre vous rend attirant. Les balances, vous n'aurez aucun mal à séduire avec un tel charme. L'horoscope pour les scorpions, dans votre vie de couple, préservez votre intimité. Si vous avez à cœur de ne rien cacher et à votre bien-aimé. Bah ouais, il faut rien cacher. Mais surtout, ne rien cacher à votre bien-aimé, c'est super important. Les sagittaires, vous faites preuve de patience avec votre entourage. Tous ne vous en seront pas reconnaissants. À tous, bah ouais, il y en a qui critiquent encore. Les capricornes, de vieux souvenirs pourraient ressurgir. Ne vous laissez pas envahir par la nostalgie. Changez-vous les idées aujourd'hui. L'horoscope pour les Verseaux, vous n'aurez pas à vous plaindre. L'amour vous sourire. Hein. La passion pourrait même vous surprendre. Et enfin, les poissons célibataires, votre cœur pourrait bien balancer entre deux personnes fort séduisantes. Vos états d'âme perturbent votre entourage familial. L'horoscope pour les poissons. Ah, pas mal les poissons, pas mal. La Islas Bonita, une belle reprise qu'on adore sur la radio couleur avec Talidgo sur la radio. Talidgo avec La Islas Bonita, la reprise de la Madone dans les années 80. Didier qui me dit j'édicace mon livre Citizen Band CB sur réseau mobile au supermarché à Olivier. Ouais, on va pas donner le nom, on a pas le droit. Salut Christelle, hello Francky, bonne journée à tous, merci. Aude Meunier, bonne journée, bisous. Hello Francky, toujours la peps. Bah ouais, le peps, pardon, ouais, c'est ça. Sébastien qui est là, salut Francky, bonne journée, bonne émission. Patrick, Benoît, bonjour à tous, bonjour mon Benoît. Pascal qui est là, coucou Francky, coucou Pascal. Et puis Camille aussi, le sportif aussi. Fais un peu de sport pour que ça te fasse du bien. Ah, merci Camille, merci. Bah oui, je vais me bouger justement avec ce remix 2020 de July Petry et Eve, lève-toi. Courage à vous si vous allez bosser, vous êtes au volant, c'est pas tendanciel. Ça bouge un petit peu ce matin, mais bon, c'est bientôt le week-end. 4 minutes avec ce remix de DJ Ludoy avec Julie Petry, Eve, élève-toi. Julie Petry qui a 66 ans, qui est née le 1er mai. Eh, bon anniversaire bientôt. Bah ouais, bientôt dans 6 mois. Ouais. En tout cas, salut à Doudou qui est connecté du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Merci Francky pour ce petit remix sympatoche de Julie Petry. Ça nous rappelle des souvenirs à l'époque au Georges. Bah ouais, on a dansé là-haut aussi. Hein. Heureux d'être avec vous. Caméléon qui arrive dans la radio. On aura Kenji avec la prise de la gitane. Et ça, on adore aussi sur la radio couleur. Bon réveil et Caméléon tout de suite sur la radio couleur. Caméléon, mi corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. Si supiera lo que me dice, que no se imagina vivir sin ti, que no lo entiende y por qué te fuiste, castigado desde el día por ti. Mi baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más, tarde o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. Si supieras lo que te hace, no podría soportarlo más. Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor. Tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más. Tarde o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. Olvidando la razón, olvidando la razón. Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta, y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más, más, más, más, más. Sur la radio couleur, 8h08, heureux d'être avec vous, c'est Francky, je vous réveille tous les matins jusqu'à 9h. Et puis du son, alors moi une reprise que j'adore, c'est Kenji. Alors je suis pas forcément fan de Kenji Girac, mais là il reprend la chanson de Fex Gray, La Gitane, version Kenji Girac sur la radio couleur. Ma peine, veille à me couper les veines. Prie Elle vous kiffe n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi. Pour qu'elle m'aime, je ferai n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Elle tourne pour ma tête basse. Écoute ton mot qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je ferai le mendiant le roi. Pour qu'elle m'aime. Félix Gray sur la Radio Couleur avec la reprise non, Kenji, la reprise de Félix Gray, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. La Gitane, un bon titre qu'on adorait à l'époque, et puis Kenji qui le reprend à merveille. Toujours le meilleur des souvenirs le matin pour vous apporter du bonheur, au boulot, avec un titre de 1987, les Brothers Johnson, et c'est Stomp. Qu'il vous faut le matin pour vous sortir du lit. Bah oui, ou alors encore sous la douche peut-être. Allez, vous êtes à la bourre. Eh ouais, eh, qui n'a pas dit ça? Ah, je suis en retard. Kevin Kinley et Delidia. Pas besoin d'artifice, tu es mon essentiel. C'est vrai, je suis tombé sous son charme si vite. Sans toi, je me sentirais comme un soleil sans ciel. Ta présence se réveille, tous mes sens. Mon aisance, mes merveilles, élégance. Sans défense, sans sommeil, quintessence. Tu es tout ce dont j'ai envie. C'est quoi ça? J'suis pas un zélosa. Nous deux ça se finira pas. Un peu comme la cause à l'ostra. Non je ne suis pas dans ça. Car parce que tu y penses. C'est toi et pas une autre ce soir. C'est peut-être le grand soir. Tu as tiré sur mon cœur bang bang. T'es rentré dans ma tête et tu m'as rendu ding ding. Toi tu as tiré sur mon cœur bang bang. Yeah. Tu es tout ce dont j'ai envie. Je sens monter le stress comme si je passais un examen. Baby, je serai méconnaissable. Ce sera le plus beau jour de notre vie. On fera ça bien. Maman, on a les simples. la promesse. Notre avenir ne sert à qu'amour et tendresse. Yeah. I love you. Oh, I need you. Oh. Baby, faut que je t'avoue. Une belle reprise, Kevin Kinley. Le soleil aujourd'hui sera présent jusqu'à 18 degrés. Quelques nuages encore, mais demain, je vous promets une très très bonne journée. Et puis le meilleur de la musique, avec que de souvenirs, pour vous emmener à la porte du boulot ce matin. Janet Jackson. Oups, non, c'est sur la radio couleur. Bon courage pour ceux qui vont bosser. Allez, le week-end qui arrive dans quelques heures. Is done. I pack my bags. I'm on the run. I got a feeling that I'm gonna have some fun in the sun. My friend and he's got me going. Oops, now sorry I can't go. Oops, now sorry I can't go. Coucou à Stéphane qui nous écoute à la FRT Saint-Aubin et sur le net. Salut Francky, merci pour le meilleur des souvenirs de Janet Jackson. Oups, non, elles sont de Portugal qui arrivent avec Nemanos. Belle journée, courage à vous. Salut à Bernard. Nanar qui est connecté. Bonjour mon Nanar, belle journée à toi Francky. Christelle aussi qui est là. Bonjour Francky, belle journée. Belle journée et bon réveil avec Nemanos. Misturar cachupa com birimbau.

8h31, vous êtes peut-être à la bourre, en direction le boulot, les restaurateurs aussi qui vont bosser, hein, les barmen aussi, les barmen, les discothèques ce week-end. Salut à Sonia qui est là, bonjour. Une belle journée, restauratrice Orléans, bah ouais, il faut aller bosser, faire les courses, bah ouais, parce qu'il faut faire les courses, hein, ça va pas se faire tout seul. C'est Francky dans la radio, 7h09, welcome la famille, et puis du son caliente, rien que pour vous, ce matin, pour vous réveiller. Et coucou à Soma, qui est connecté aussi, tiens, Soma du collectif Métissé qui m'envoie un petit message, belle journée Francky, merci à toi. Et vous, de l'autre côté de la radio, en pleine forme, jusqu'à 18 degrés, aujourd'hui, sur Orléans. Accompagne au boulot, c'est Francky.

passion. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie, got your homie. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me. Alors, on sera en direct avec Jackson, You Don't Know Me. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et l'horoscope qui arrive pour vous, alors allez-vous passer une belle journée? La réponse, tout en couleurs et en images, sur la radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, aujourd'hui, on démarre avec les béliers. Les béliers, la patience et la diplomatie seront vos meilleurs alliés face aux petites tracasseries familiales. Les taureaux, vous risquez de vous sentir en léger décalage avec votre partenaire. Ce ne sera qu'une impression passagère. Les gémeaux, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Les cancers, vous vous montrerez un peu enclin aux engagements à long terme. Votre vie affective pourrait être un peu déstabilisée. Les lions, vous vous sentirez prête à changer de cap. Attention à ne pas vous égarer sur le mauvais chemin. Les vierges, votre vie privée n'est pas de tout repos aujourd'hui. Peut-être en fait vous trop en ce moment. Alors ménagez-vous. Les balances, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous n'aurez aucun mal à séduire avec un tel charme. Les scorpions, dans votre vie de couple, préservez votre intimité. Si vous avez à cœur de ne rien cacher à votre bien-aimé, les sagittaires, vous faites preuve de patience avec votre entourage. Tous ne vous en seront pas reconnaissants. Eh ouais, c'est comme ça. Les capricornes, de vieux souvenirs pourraient ressurgir. Ne vous laissez pas envahir par la nostalgie. Changez-vous les idées. Les verseaux, vous n'aurez pas à vous plaindre. L'amour vous sourira aujourd'hui. La passion pourrait même vous surprendre. Et enfin, les poissons, les célibataires, votre cœur pourrait bien balancer entre deux personnes fort séduisantes ce matin. Ah, à surveiller, peut-être à la machine à café. Qui sait, une rencontre comme ça entre deux cafés. Hein, emballé, rouler une pelle à la machine à café, à l'ancienne. Eh ouais, avec l'odeur du café, ça fait du bien le matin. Hein. Jemiro qui arrive dans moins d'un quart d'heure. Et puis, le son Latina avec Daddy Yankee. C'est Dula Dula, c'est sur la radio couleur. Bon réveil et bonne journée. Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura, que está dura, más arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamatita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo con la piel. Está dura, yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura, tú eres la máquina de baile. No tenga nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Era poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Así fue un delito, eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el tope, tope, tope. Miren el material, edición especial. Tienes el tope, tope, tope. Perdóname, te lo tenía que decir. Da dura, dura, dura, dura, dura, que está dura, mano arriba. assez dur le matin. Bah ouais, la doula, c'est ce que dit Daddy Yankee avec ce titre légendaire. On retaille vous 8h48 minutes dans quelques minutes. Jimmy Rowe qui arrive au platine de la radio française, hein, jusqu'à midi, justement à RDP International. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et aujourd'hui, les sages-femmes font à nouveau grève ce jeudi malgré une revalorisation salariale. Elles se plaignent du manque d'effectifs. Donc, s'il n'y a pas de sages-femmes aujourd'hui, soyez patients. Elles reviennent, en tout cas, elles le méritent, hein, avec un sacré boulot. Et on les salue justement, si de l'autre côté de la radio, vous êtes sages-femmes. Et pourquoi pas, appelez-nous et venez donner votre mécontentement en direct sur le 02 38 43 48 00. Et un titre qu'on m'a fait découvrir il y a quelques années à la radio française, un mec que j'aime bien, il s'appelle Bézégol et c'est sur la radio couleur. Écoutez cette voix qui est terrible sur la radio couleur. Bonne journée et bon réveil. Pediste que eu não tinha, mesmo assim eu dei. Só quiseste ouvir aquilo que eu não te falei. Não pensei que perdi, mesmo assim não larguei. Agora estou sem ti, mas na verdade ainda não sei. Deixa-me sentir. Deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Comprei mal, varri o teu templo. O amor que selamos com lacre de prata, mas um Dom Quixote que por ti se mata. Agora é que eu vejo quem contigo para. Trocou o desejo pela tua lei da bala. Cegaste-lhe a esperança e sugaste o corpo. O que nasceu certo vais-te o pondo torto. Deixa-me sentir. Deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Deixa-me sentir. Deixa-me acordar os anos que anestesiei. Não quero mais fugir da realidade que por ti eu afastei. Assim eu dei. Só quiseste ouvir aquilo que eu não te falei. Não pensei, perdi, mesmo assim não larguei. Agora estou sem ti, mas na verdade ainda não sei. Radio Conseil en direct, 8h51 minutes avec Bézégol. J'espère que je prononce bien. Jimmy Rowe, il va me rattraper si ça va pas. On va être avec vous et puis aujourd'hui, Bernard Tapie, on va rendre hommage au Vélodrome, on vous en parle. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, Nanar, le Nanar, comme on l'appelait, qui nous a quitté ce 3 octobre à l'âge de 78 ans, Bernard Tapie. Un dernier hommage aura lieu, c'est aujourd'hui au stade Vélodrome à Marseille, et puis demain l'enterrement aussi à Marseille. On voulait lui faire un petit clin d'œil à notre ami Nanar. Ouais, ouais, on l'aime pas, c'est comme ça, mais en tout cas, c'était un sacré personnage, comme on disait dans les années 80. Mais qu'est-ce qui fait marcher Bernard? Les piles, rappelez-vous cette vieille pub à l'ancienne. Heureux d'être avec vous, Francky, dans la radio. Grégoire qui arrive, c'est tout de suite. Et puis, la pub, ah ouais, ce qui fait vivre les radios quand même, hein. Il faut un peu d'argent ici, hein. Et puis, Algemiro qui arrive dans moins de 8 minutes. Grégoire, c'est quand? C'est tout de suite sur la radio couleur. C'est quand que tu viens? C'est quand que tu passes? C'est quand que tu me prends par la main? Et que tu me dis, allez, viens, on se casse? C'est quand la douceur de tes bras chauds? C'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives.